Attention s'il vous plaît. Police. Nous allons procéder à un contrôle d'identité. Restez calme. Les officiers de police vont vous indiquer comment vous comporter. Thank you.